Ture we we coming Elena Mokta Ture Dimine Kawaba Borobila Mystery Dala Olena Mba Dimine Amadu Kurubari we we coming Elena Madu Kurubari Dimine Kawaba Borobila Biro Dala Olena Mba Dimine Vaka baba na hiri belo Ole na mba dimine Mokta ture we Komi ngele na mokta ture dimine Kawaba boro bila misiri dala Ole na mba dimine Wakurubari we Kurubari dimine Baka baba na hiri beno Ole na mba dimina san Nadia moye madia moye Ningadia la ye kitibana Nadia moye madia moye Nadia la ye kitibana Nadia moye madia moye Ningadia la ye kitibana Nadia moye madia moye Nadia la ye kitibana Nadia moye, madia moye, nadia la ye kitibana. Nadia moye, madia moye, nadia la ye kitibana. Nadia moye, madia moye, nadia la ye kitibana. Nadia moye, madia moye, nadia la ye kitibana. Nadia moye, madia moye, nadia la ye kitibana. Nadia moye, madia moye, nadia la ye kitibana. Nadia moye, madia moye, nadia la ye kitibana. Nadia moye, madia moye, nadia la ye kitibana. Nadia moye, madia moye. Nadia moye, madia moye, nadia la ye kitibana.